choisissez votre chanson. Appelez maintenant la compile. 0810 055 056. Viens avec nous là dans les médias au 0810 055 056. Claude, bonsoir Claude. Bonsoir Evelyne. Ça va Claude? Oh, oui, on peut aller, je suis tout seul, ma petite femme est partie en vacances.